Today's talk begins with a question. There is a lame man and a blind man. How are they ever going to go anywhere? One of them is lame, he can't walk. The other one is blind, he can't see. So how are these two people going to go anywhere? L'enseignement d'aujourd'hui va commencer par une question. Il y a là une personne qui est paralysée, elle ne peut donc pas marcher. Et il y en a une deuxième qui est aveugle, elle ne voit pas. Comment serait-il possible que ces deux personnes se déplacent quelque part? Pensez-vous que c'est possible? Donc la solution, c'est tout simplement que la personne qui est aveugle, l'aveugle monte sur le dos, non, que le paralysé monte sur le dos de l'aveugle, et ainsi ils vont pouvoir fonctionner ensemble. Donc ceci, c'est simplement une analogie pour expliquer que le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. Ils sont dépendants l'un de l'autre. Le corps n'a pas d'esprit, il n'a pas d'intention, il ne sait rien. Mais c'est l'esprit qui dit au corps ce qu'il doit faire. Donc le corps, c'est quelque chose qui est incapable d'être conscient, de savoir. L'esprit, c'est ce qui sait. Le yogi doit tout simplement observer le corps et l'esprit tel qu'il se manifeste à l'intérieur de lui pour voir comment tout cela fonctionne. Donc, pour arriver à observer attentivement ce fonctionnement du corps et de l'esprit, nous utilisons la méthode de la méditation. Nous allons essayer d'observer attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et tout ce qui se manifeste à chaque instant en fournissant un effort et en appliquant notre esprit à ces objets. À force de le faire, l'esprit va se stabiliser et la concentration va apparaître. Donc, au début, l'esprit doit constamment s'efforcer d'observer ce qui se passe. Il observe les mouvements d'abdomen et les objets secondaires. Mais à ce stade, il ne comprend pas encore. La compréhension n'est pas encore présente. Dès que l'esprit aura réussi à se maintenir sur ces différents objets, à y adhérer, il va devenir pur, il n'y aura plus aucune avidité, aucune colère dans cet esprit, et la concentration va alors apparaître. Donc, si nous réussissons à maintenir notre attention, ne fût-ce que pendant une seconde, sur l'objet, c'est très bien, mais c'est insuffisant. Nous devons nous entraîner et essayer de multiplier ces moments d'attention et de concentration. Cet esprit qui observe de façon attentive et concentrée doit réussir à se maintenir sur les différents objets sans interruption. Dès que cette continuité de l'attention aura été atteinte, l'esprit sera pur à chaque moment, à chaque instant. De cette façon, l'énergie va se développer. Donc, un moment d'attention authentique, ce n'est pas beaucoup. Mais si ce moment d'attention authentique se multiplie et se répète d'instant en instant, qu'il y en a beaucoup, l'esprit va devenir très fort, très puissant. L'application de l'esprit à l'objet sera alors devenue parfaite. C'est comme au jeu des fléchettes, la fléchette atteint la cible. On appelle cela la concentration momentanée. Donc nous devons essayer de multiplier le plus possible ces moments d'attention authentique. Petit à petit, l'esprit va se développer, il va réussir à se maintenir sur l'objet. Il y a donc d'abord Vitaka, le facteur mental qui consiste à appliquer l'esprit à l'objet, c'est le premier moment d'attention. Lorsque Vitaka devient puissante, Vichara se manifeste. Vichara, c'est le maintien de l'esprit sur l'objet. L'esprit se frotte à l'objet. Il l'observe en s'y maintenant. Et c'est de cette façon que la sagesse, la compréhension va pouvoir apparaître. Donc, l'esprit va ainsi devenir très fort. Il va continuer à observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et tous les objets secondaires qui se manifestent à chaque instant. Lorsqu'il observera le mouvement de soulèvement de l'abdomen et qu'il le fera avec donc ses qualités, avec concentration, il va expérimenter du mouvement, de la chaleur, de la pression. Lorsqu'il va observer le mouvement d'abaissement de l'abdomen avec concentration, il expérimentera de la douceur, de la relaxation, etc. Lorsqu'il observera d'autres objets qui se manifestent constamment en lui, il va là aussi expérimenter la véritable nature de ces objets. Ceci, c'est donc la compréhension, et elle surgit lorsque l'esprit est devenu fort. Donc, le méditant va persévérer, va continuer à observer avec cette qualité d'attention. Il observera, par exemple, un objet, et en un seul instant, il pourra voir qu'il y a deux choses. Il y a d'une part l'objet qui est vu, et il y a l'esprit qui voit, qui prend conscience de cet objet. Donc, cet objet qui est vu, cela peut être par exemple de la chaleur ou du froid, c'est le phénomène physique. Il y a immédiatement associé à ce phénomène physique la conscience de ce phénomène physique. C'est donc un phénomène mental. Le méditant comprend qu'à l'intérieur de lui, il n'y a de place que pour ces deux choses, un phénomène physique et la conscience du phénomène. Le méditant est donc devenu capable de voir directement par lui-même qu'à l'intérieur de lui, il n'y a jamais que ces deux choses, un phénomène physique et un phénomène mental, ou des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Il comprend que la vie est faite de cela uniquement, des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Ceci, c'est la base de la sagesse, la base des connaissances vipassana. Sans cette première base, sans cette première expérience, les connaissances vipassana ne pourront pas se développer. Donc, lorsque le méditant voit quelque chose, à l'instant même où il voit, il peut comprendre qu'il y a d'une part la base sensitive de l'œil et l'objet visible. Ce sont des phénomènes physiques. Il voit d'autre part qu'il y a la conscience visuelle qui est apparue, étant donné que ces choses sont entrées en contact. La conscience visuelle, c'est un phénomène mental. En plus de la conscience visuelle proprement dite, il y a le contact entre la rétine et l'objet visible. Il y a également la sensation. Le méditant ressent ce contact comme agréable ou désagréable. Ce sont des phénomènes mentaux également. An external visible object. Même si tous ces facteurs sont présents au moment où l'on voit quelque chose, le méditant doit simplement noter, voir, en prenant comme base sa rétine, son œil. Donc, lorsque la vision a lieu, tous ces facteurs sont présents. Le méditant doit simplement observer ce qui se passe à ce moment-là. Il est possible que ce soit la base sensitive de l'œil qu'il perçoive au moment de la vision. Il est possible que ce soit la conscience visuelle qu'il observe. Il est possible que ce soit la sensation. Il est possible que ce soit le contact. Tout cela, c'est voir. Donc, au moment où le méditant observe, il doit noter de façon globale en observant sur la base sensitive de l'œil. Et c'est la même chose qui va se passer avec l'oreille, avec entendre. Ces mêmes facteurs seront présents au moment où la conscience auditive va se manifester. Il y a d'une part le son, c'est l'objet physique. Il y a l'oreille, la base sensitive de l'oreille, c'est le tympan. Ces deux choses entrent en contact, la conscience auditive se manifeste. Il y aura également contact, il y aura également sensation agréable ou désagréable. Il y a donc présent au moment où l'on entend le son, l'objet physique, il y a le tympan, la base sensitive de l'oreille, il y a la conscience auditive, il y a le contact et la sensation. La conscience, le contact et la sensation sont des phénomènes mentaux. C'est la même chose avec le nez. Lorsqu'il y a une odeur qui plane dans la pièce, Elle va entrer en contact avec le nez, la partie sensitive du nez. Ce contact va amener la conscience olfactive et il y aura également la sensation agréable ou désagréable. Et c'est la même chose avec la langue. Il y a une saveur, il y a la langue, il y a contact entre ces deux, la conscience du goût apparaît et il y a également la sensation agréable ou désagréable. C'est la même chose avec le corps. Il y a l'objet tangible, c'est tout ce qui dans le corps est humide, toutes les parties du corps qui sont sensibles. Par exemple, les ongles, les cheveux sont des parties sèches, elles sont incapables de sentir. Et il y a le contact alors entre l'objet et ses parties sensibles du corps. L'objet peut être interne ou externe. Il est interne si on observe par exemple des parties internes du corps qui se touchent l'une l'autre, ou bien il peut être externe si on observe un contact avec un objet extérieur. Donc, pour la pensée, les activités mentales, c'est la même chose, même si c'est un peu différent. L'esprit peut observer un objet mental, par exemple, si on a des souvenirs, si on a des projets, si on a des analyses, tout cela, ce sont des objets mentaux que l'esprit peut prendre comme objet. Et ici également, il y a des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux qui vont se manifester. Il est important de comprendre que ce sont là les composantes de la vie. Donc, lorsque le méditant voit ces composantes physiques et mentales, à l'intérieur de lui, lorsque sa concentration se développe, il va tout naturellement réaliser les causes et les effets. Il y a beaucoup de façons de relations de cause à effet qui peuvent se produire. Mais ces choses vont s'expérimenter tout naturellement comme conséquence de l'observation. Le méditant ne doit pas réfléchir à ces choses, ne doit pas y penser, il doit simplement observer attentivement et le faire de façon répétée, il verra tout naturellement cette relation de causalité entre ces phénomènes. Il y a de façon générale quatre catégories de relations de causalité. La première, c'est l'esprit qui cause la matière. La deuxième, c'est la matière qui cause l'esprit. La troisième, c'est la matière qui cause la matière, et la quatrième, c'est l'esprit qui cause l'esprit. L'esprit qui cause la matière. Nous pouvons réaliser cela lorsque nous observons attentivement le fait de passer de la posture assise à la posture debout. Nous allons observer attentivement cette action. Nous allons observer ce mouvement dès son départ. Si nous observons ainsi, nous verrons clairement l'intention qui précède le mouvement. S'il n'y avait pas l'intention de se lever, le mouvement qui consiste à se mettre debout ne pourrait pas avoir lieu. Si l'esprit est bien concentré et qu'il observe attentivement, sans interruption du début à la fin, il peut voir cette intention. Et il voit que cette intention propulse le corps. Et il n'y a pas qu'une seule intention et qu'un seul mouvement, il y a une série d'intentions qui amènent chaque fois une série de petits mouvements. Donc nous ne devons pas essayer de voir à tout prix cette intention, il faut simplement observer attentivement le mouvement du début à la fin. Un exemple maintenant de la matière qui va faire apparaître l'esprit. S'il y a l'œil, et qu'il y a un objet visible, ce sont des phénomènes physiques, le contact entre ces deux choses a lieu, et la vision se manifeste, la conscience visuelle, c'est un phénomène mental. Et avec la conscience visuelle, il y a également le contact et la sensation qui sont également des phénomènes mentaux. Un autre exemple de la matière qui cause l'esprit, le mouvement de soulèvement, c'est la matière, l'esprit qui prend conscience, c'est le phénomène mental. Lorsque le mouvement d'abaissement a lieu, le mouvement lui-même, c'est la matière, et la conscience de ce mouvement, c'est l'esprit. Un autre exemple de la matière qui cause l'esprit, s'il n'y a pas de mouvement de soulèvement, il n'y a pas de conscience du soulèvement. La conscience du soulèvement, c'est l'effet. Le mouvement lui-même, c'est la cause. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Un exemple maintenant de la matière qui cause la matière. Lorsqu'il fait froid dehors, le corps devient froid. Un exemple de la matière qui cause l'esprit. S'il fait froid, ce froid va faire naître dans l'esprit l'intention de mettre un pull. Un exemple maintenant de l'esprit qui cause l'esprit. Lorsqu'il y a des pensées, des distractions, il y a immédiatement la conscience de ces pensées et de ces distractions. Ce sont deux phénomènes mentaux. Donc, c'est là la deuxième connaissance qu'amène la méditation. Il est nécessaire de passer par cette deuxième connaissance si nous voulons encore progresser. Donc, lorsque le méditant voit qu'à l'intérieur de lui, il n'y a jamais que ces deux choses, des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux en interrelation, il comprend automatiquement et par voie de conséquence qu'il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas d'ego, il n'y a que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux qui se succèdent. Ce méditant réussit alors à éradiquer l'idée fausse qui fait croire en l'existence réelle d'une personnalité, d'un ego. Cette personnalité, cet ego n'existe pas au niveau ultime. Bien sûr, au niveau conceptuel, elle existe. Lorsque le méditant aura ainsi compris le lien de causalité qui unit les phénomènes, il comprend également que les choses n'apparaissent pas par hasard. Tout a une cause. Il n'y a jamais qu'une succession de causes et d'effets. Si la cause est là, l'effet doit avoir lieu. Lorsque le méditant aura compris les causes et les effets, il va réaliser les qualités communes des phénomènes. Il sera d'abord en mesure de voir les qualités individuelles des phénomènes, comme par exemple l'élément eau qui a comme caractéristique la fluidité, la cohésion. L'élément air a comme caractéristique le mouvement. L'esprit a comme caractéristique de connaître. Tout cela, ce sont les qualités individuelles des phénomènes. Le méditant observe ainsi les qualités individuelles des phénomènes et petit à petit, il comprend expérimentalement que ces choses ne durent pas. Il voit que cela change constamment, que cela apparaît et disparaît sans cesse. Il réalise ainsi la première qualité commune des phénomènes, le fait que cela change. Donc le méditant est en mesure de voir les apparitions et disparitions de tous ces phénomènes. Voyant cela, il comprend intuitivement, il ne doit pas réfléchir pour cela, il comprend intuitivement qu'un phénomène qui apparaît et disparaît instantanément n'est pas quelque chose à quoi on puisse se fier, quelque chose qui serait désirable. Il comprend ainsi la deuxième caractéristique commune des phénomènes, ils ne sont pas désirables. Et il comprend également que ces phénomènes se manifestent automatiquement, sans qu'il y soit pour quelque chose, ils sont incontrôlables. C'est la troisième caractéristique des phénomènes. Et lorsque le méditant en est arrivé là, et qu'il est donc capable d'expérimenter intuitivement ces trois qualités communes des phénomènes, il est au début des connaissances vipassana. Je vais maintenant vous raconter une histoire à propos d'un jeune moine, et j'espère que cette histoire va tous vous inspirer. Donc, du temps du Bouddha, il y avait une famille très riche qui avait une fille. Hélas, cette fille s'est enfuie avec le serveur. Ils eurent deux enfants. Après un certain temps, ils décidèrent de retourner chez les parents avec les enfants dans l'espoir de se faire pardonner. Et donc, les parents ne purent pas pardonner à leur fille et lui dire de s'en aller avec son ami. Et eux garderaient les deux enfants, les deux fils. Le premier s'appelait Mahapantaka et le deuxième Chulapantaka. Le grand-père avait l'habitude de se rendre chez le Bouddha pour écouter les enseignements, et il emmenait avec lui son petit-fils, Mahapantaka, l'aîné des deux garçons. Ces deux enfants n'étaient donc pas leurs enfants directement, et les gens n'en finissaient pas de demander aux grands-parents à qui étaient les enfants, d'où venaient ces enfants. Et lorsque l'aîné, qui avait l'habitude d'accompagner son grand-père chez le Bouddha, voulut se faire moine, le grand-père fut soulagé et lui donna bien sûr la permission. Et donc le grand-père était très heureux de cette décision de son petit-fils. Il y eut une grande fête, une grande cérémonie à cette occasion. Le petit-fils devint donc un moine, il se mit à pratiquer et atteint l'état d'arhat. Le jeune garçon voulut faire comme son frère aîné et il se rendit lui aussi chez le Bouddha pour se faire ordonner. Il fut d'abord un novice et lorsqu'il eut l'âge de se faire moine, il se fit ordonner moine complet. En principe, pour être vraiment ordonné moine de façon complète, il faut que le garçon ait 19 ans et 5 mois, ce qui équivaut plus ou moins à 20 ans. Le jeune Chulapantaka, donc le jeune fils, se fit donc moine, mais à cause d'un mauvais karma, il devint idiot. Le frère aîné voulut donc apprendre à son jeune frère, Chulapantaka, un vers. Ce vers comptait 4 lignes. Il demanda donc à Chulapantaka d'essayer d'apprendre par cœur ces 4 lignes. Mais hélas, Chulapantaka n'y arrivait pas. Il réussissait à mémoriser une ligne, puis il passait à la seconde. À peine avait-il réussi à mémoriser la seconde, que la première avait disparu de son esprit. Il essaya ainsi pendant 5 mois. Le frère aîné, qui était donc un arhat, n'avait pas de mauvaises intentions dans l'esprit, c'était impossible pour un arhat. Mais lorsqu'il constata que son jeune frère était totalement incapable de mémoriser quoi que ce soit, il lui suggéra de quitter l'ordre en lui expliquant que sa place n'était pas là. Et le jeune frère fut très déçu et en réalité il ne quitta pas le monastère. Un jour, tous les moines du monastère furent invités par une famille très riche qui soutenait ce monastère. Et donc, il se fait que le moine qui était en charge des invitations était Mahakantapa. Pantaka. Et donc, de la personne donc qui était le laïc qui voulait inviter tous les moines se rendit chez Mahapantaka et lui demanda la liste des moines qui allaient répondre à l'invitation. Mahapantaka lui expliqua qu'il y avait à peu près 500 moines, mais qu'il y en avait un qui ne serait pas autorisé à se rendre à l'invitation parce qu'il était stupide. Alors le jeune frère apprit cela, il fut de nouveau très déçu et décida cette fois de quitter le monastère. Le jeune frère, Chulapantaka, quitta donc le monastère et se rendit chez le Bouddha. Le Bouddha lui demanda « Où vas-tu ?» Et alors Chulapantaka lui expliqua que son frère aîné avait estimé qu'il n'était pas à sa place au monastère et qu'il devait quitter l'ordre. Le Bouddha lui demanda alors « Mais c'est quel sangha qui t'a demandé de quitter? Est-ce la sangha de ton frère ou est-ce ma sangha ?» Le jeune frère répondit au Bouddha, bien sûr que c'était sa sangha à lui, au Bouddha ce n'était pas la sangha de son frère. Le Bouddha lui demanda alors, dans ces conditions, es-tu sûr que tu dois quitter cette sangha? Le jeune frère décida alors de rester. Le Bouddha lui expliqua alors, en fait, comment méditer. Il demanda à Chulapantaka de prendre un morceau de soie blanche, de s'installer au soleil, de frotter ce petit morceau de tissu entre les doigts et de répéter mentalement « Cela devient sale, cela devient sale. » Donc le jeune moine, Chulapantaka, fit ce que le Bouddha lui avait demandé. Il commença à frotter son morceau de tissu et petit à petit, il commença à prendre conscience du fait de toucher et du fait d'être conscient de se toucher. Son esprit s'était ouvert, il voyait en profondeur ce qui se passait. Il y avait l'action de toucher et la conscience du toucher. Il continua à observer ainsi et pendant un certain temps, et il finit par voir que le fait de toucher disparaissait après être apparu, et que la conscience du toucher était également quelque chose qui disparaissait après avoir apparu. Ce jeune moine voyait dorénavant les apparitions et disparitions constantes du toucher et de la conscience du toucher. Ses connaissances vipassana purent se développer sur base de cette vision des apparitions et disparitions, et finalement il atteint l'état d'arhat. Donc ce moine qui au départ était stupide a réussi à se libérer de cette stupidité, il avait également atteint les pouvoirs supranormaux et il avait en plus obtenu la libération. Donc cette histoire vous a été racontée pour que vous soyez encouragé à persévérer dans votre pratique. Ce jeune moine avait tout simplement suivi les instructions du Bouddha à la lettre. Il fallait qu'il frotte ce morceau de tissu et qu'il le voie se salir. Ceci lui avait permis d'atteindre la libération. En réalité, ce moine avait été roi dans une vie antérieure. En tant que roi, il avait des vêtements très délicats en soie blanche qui se salissaient au soleil. À l'époque, au moment où il était donc un roi, il avait constaté que ses vêtements se salissaient au soleil, étant donné la transpiration, etc. Cela lui avait donné un sentiment d'urgence. Il voulut se libérer. Et c'est donc pour cette raison que le Bouddha lui avait donné cela comme instruction pour la méditation. Je souhaite à tous les méditants de réussir à appliquer correctement les instructions et d'atteindre la libération. So I hope that all the yogis will be able to apply the practice and gain peace and liberation in this very life. Sadhu, sadhu, sadhu.